بسم الله الرحمن الرحيم. الناس ندخل مباشرة في الدرس لأن تأخرنا في وزن الموازين بس قليل إن شاء الله. الآن سيذكر بابا سيعيد ما قد ذكر سابقا لكن بأسلوب آخر. Là il va répéter ce qu'il a dit auparavant avec une autre forme de classement. Mais c'est la même chose. ما في جديد. ويفصل في الأشياء. في الاسم المفرد والمثنى وكذا. قال في المتن يعني لن نحن في باب المعربات. معربات الاسماء التي تعرب التي ليست مبنيه في الصفه المبنيه. قال المصنف في متن الاجرميه رحمه الله تعالى: فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. دونك لي معربات دو سورت، ceux qui ont des i'rab avec des harakat, d'autres avec des huruf. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد والجمع تكسير والجمع أنث أسالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. Donc après il a dit que ceux qui sont mu'rab par les harakat sont quatre: ism mufrad, jam taksir, jam mu'anath asalim wal fi'l mudari', celui qui n'a rien qui s'accroche à la fin. كل وترفع بضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بكسرة وتجزم بالسكون. Et tous ces quatre cités là sont marfou avec la dhamma, sont mansoub avec la fatha, sont majrour avec la kasra et ils sont majzoum avec le sukun pour le fi'l et le jar pour le ism. وخرج عن ذلك ثلاث أشياء. Il y a trois choses qui font exception à cela. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. Donc le جمع مذكر سالم مؤنث السالم عفوا منصوب avec la كسرة. Il sort de la base. Le اسم qui est غير منصرف, c'est-à-dire l'اسم ممنوع من الصرف, il est majrour محفوظ avec la فتحة. Il sort de la base qui est la كسرة. Et le فعل المضارع معتل الآخر, lui, il est majdoum en enlevant la dernière harf. Moi, depuis le début, j'ai toujours appris ce livre-là, ce taksim-là, là, du ism, du fi'l mudari', mu'tal akhir, celui qui a à la fin, qui a alif, un ya ou un waw. Moi, je l'ai mis dans le qism al-huruf, Allah alam. Taïb. Qala fi sharh. Hadha al-fasl. لخص في المصنف جميع ما تقدم في باب علامات الاعراب. فقال المعربات قسمان. Donc là, répète dans le char ce qui a été dit là. قسم يعرب بالحركات. قسم qui est معرب بالحركات ضمة فتحة وكسرة وسكون. وقسم يعرب بالحروف. اسم الاعراب c'est les حروف. الواو والالف والياء والنون. وبدأ المصنف بذكر المعربات بالحركات لأنها الأصل. Il a commencé par le qism qui est mu'rab par les harakat, car c'est la base. Qala, maintenant il va fassal un peu plus dans le charh. Al mu'rabat bil harakat hiya arba'atu anwa'. Awalan al ism mufrad. En premier, l'ism mufrad. Qala ta'rifuhu wa ma laysa muthanna wa la majmu'an wa la min ism al khamsa. Donc là maintenant qu'on dit ism mufrad, on veut dire c'est tout ce qui n'est pas muthanna, tout ce qui n'est pas un jam dhakar salim ou jam mu'anath salim, et tout ce qui n'est pas parmi l'asma al-khamsa. On appelle ça ism mufrad. Là, c'est un istilah khas fi hadha al-bab. Et d'autres abwab qu'on prendra par la suite, ism mufrad, il prend encore un autre sens. Voyez? Donc, retiens bien les istilahs dans chaque bab, car ils diffèrent. On veut tout ce qui n'est pas jam mu'azakar salim, ou la jam taksir, ou la jam mu'anath salim, et ce qui est mufanna, ce qui est parmi l'asma al-khamsa. On appelle ça ism mufrad. Même si il sort du singulier. حكمه يرفع بضمة ويصب بالفتحة ويجر بالكسرة. C'est quoi son jugement? Il est marfou avec la dhamma, mansoub avec la fatha et majrour avec la kasra. Il est majrour par quoi? Il est majrour par quoi? C'est quoi sur Alamat al-Jazm? Sukun. T'inquiète. T'es avec nous là? Il n'y a pas de jazm dans les asma. J'avais souvent cela à faire quand ils font du rousse avec moi, pour voir s'il y a la case. Et à chaque fois, ils tombent dedans. Mithaluhu, rajulun, wa mu'minun, wa mu'mina. L'exemple. Fa'adha nu'a min asma, yutlaku alayhi, anahwiyun, ism al-mufrad. Lianu yadullu ala wahidin, ou wahida, lisa musanna, wala majmou'an, wa yu'rabu bil harakat. Là, c'est un genre d'ism al-mufrad. Rajul, mu'min, mu'mina. الاكزامبل قول تعالى قال رجل وقال رجل ولا رجل سي كوا اسم مفرد تمام دون ليالوب اون دي با سا اون دي ديريكتومون فاعل مرفوع ورمه رفعي الضمه وقول تعالى اتقتلون رجلا فرجلا Ici, c'est ism mufrad. D'accord ? Il rentre dans le ta'arif. C'est quoi son i'rab ? Ma furun bihi mansoub wa alamat nasbihi al-fatha. Ma furun bihi wa mithal thalith bil-jar fi kulli Allahi azza wa jal awhina ilay rajulin fawna rajulin. C'est ism mufrad également. Donc, il est majrour li bi إلى حرف جر إلى حرف جر إلى وعلامة جره الكسرة لا on ne s'attarde pas car il y a un nouveau par rapport au bab d'hier d'avant-hier c'est la même chose juste le fait de taksim il a divisé les choses qui sont qu'on dit alamat de l'irab qui sont des harakat et les choses qu'on dit alamat de l'irab qui sont des huruf sinon c'est la même chose qu'on a dit hier avant-hier il y a un nouveau d'accord c'est juste un autre classement C'est pour ça qu'on a mis. Et attention, là, tout ça, c'est des exemples avec des i'rab lafzan. Elles sont toutes apparentes. On peut prendre aussi un exemple avec takdira. Mathalan, tu dis qala Moussa. Moussa, c'est ism mufrad. D'accord ? Moussa, ism mufrad. Tu dis qala Moussa, Moussa, fa'ilun, marfou, bilfir, waramatu raf'i, ma'adha, ad-dhamma al-mukaddara. Man'a min dhuhriha, at-a'adhur. On peut dire, qala al-qadi. Al-qadi n'est ce chose. Fa'il, marfou, waramatu raf'i, ad-dhamma al-mukaddara. Man'a min dhuhriha, at-thiqal. On peut dire, qala abi. Abi, fa'ilun, marfou, waramatu raf'i, الضمة المقدرة منع من ظهورها ماذا المناسبة طيب لدي دو كوز اكزامبل دو اعراب كي سون ابارونت اون اوري بو فير ايغالمون افيك الاسم المفرد يون ددون لو اسم كي اي كاين اعراب كي ابارونت يا كاين اعراب كي سون اونتوندو سي لا ميم شوز اي باري سي لي مفعول به تو دي ضربت مثلا شخص اسمه موسى ضربت موسى Ça va être pareil. Ou tu dis « Salam tu ala Moussa ». Ça va être pareil. Taïb. Ça, c'est l'ism mufrad. Thaniyan, jamu et taksir. Ta'arifuhu wa madalla al-akthar min isnain ou isnatain ma'a taghayyir. Fi sigat mufradih. Donc, jamu et taksir, on l'a pris auparavant. D'accord ? Ce qui prouve plus que deux et qu'il y a un changement dans, son, dans sa forme du singulier. Il y a un khilaf qu'on a dit, pour qui les ulama du Nahou ou du Laura qui disent que, ou même dans le fiqh, que le djem minimum c'est deux, il y en a qui disent minimum c'est trois. Il y a un khilaf par rapport à ça. Hukmuhu yurfa'u bi dhamma, yunsabu bil fatha, yujar bi kasra. Comme l'ism mufrad. Son raf c'est avec la dhamma, son nasb c'est avec la fatha, et son jar avec la kasra. Mithaluhu, rijalun wa kutubun wa zayanib. Zayanib c'est le djem de quoi ? Zainab. Zayanib, c'est le djem de Zainab. Fa'adha al-nou'u min al-majmou' taghayyarat fihi surat al-mufrad hal al-jam. An haliha al-asliyah. Qabl al-jam. Fa'mathalan, rijal mufraduhu rajul. Fa'taghayyarat fihi surat mufraduhi bi-kasri l-ra wa fath al-jim wa ziyarat al-alif qabl al-lam. Donc, on l'a dit la dernière fois, c'est un djem dont la forme ne change pas au pluriel. Au singulier, pardon. C'est un djel, il a changé par rapport au mufrad qui est rajul. Le ra est devenu maksour, le jim est devenu maftour, on a rajouté un alif. Donc on a dit que sa forme a été cassée. C'est pour ça qu'on appelle jam taksir. Wa min ajli hadha at-taghayyur alladhi yushbihu taksir al-shay ba'dan kana sahihan yusamma hadha an-naw' min al-majmu' jam taksir wa yu'rabu bil harakat. Craven yaskib intijara maintenant. Et lui, ce jam taksir, il est mu'rab avec les harakat. Nahu kullahi ta'ala ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Donc là, le shahid, c'est ar-rijal. C'est quoi l'arabe de rijal? À la base, c'est jam taksir. On dit c'est quoi? Mubtada. À la fois, c'est mubtada. On va prendre mubtada, ça va bien. Mubtada, c'est quoi son arabe? Il est marfou. Wa ramatu raf'i ad-dhamma. Wa qawlihi ta'ala wa batha minhuma rijalan. Donc là, rijalan, il est mansoub. Troisième taksir, il est mansoub pourquoi? Parce qu'il est maful bihi. Wa ramatu nasbihi al-fatha al-dhayra al-akhirih. Wa qawlihi ta'ala les rijali alayhinna daraja. Les rijali alayhinna daraja. Shahid, là, c'est rijal. Et là, c'est jam taksir. Il est majrour. Wa ramatu jarrihi. Mada? Naam. Kasra. Et on aurait pu également avoir un exemple avec le haraka al-mukaddara. Le haraka al-mukaddara. Un exemple. Un exemple, Soukara. Soukara, c'est le djem de Soukran. Soukran, c'est lui qui est ivre. D'accord, qui est ivre. Comme quand il y a Azza wa Jal, wa taranna Soukara, wa maumbi Soukara. Donc Soukara, c'est quoi à la fin Soukara? Comme harf. Alif. Donc il va être ism maksour. Donc les harakat va être mukaddara. Soit marfou' wa dhammatuhu mukaddara, soit mansoub wa fathatuhu mukaddara, soit majrour, ça dépend de l'arab, kasatuhu mukaddara. Et les deux là, attention au tanbih, l'ism mufrad et jam taksir. Là, il parle duquel? Du munsarif. Attention. Car les deux peuvent être ghayr munsarif. Ils peuvent être mabnou min sarf. Les deux. Donc, là, à ce moment-là, le jar, ça va être avec quoi? Haramatu jar? Fatha. Non. Il ne le cite pas, là, lui. C'est ce que je vois. Rastamarin Neslim, on passe directement en Afrique après. Quand elle est thalithan, jam al-mouaneth al-salim. Parmi les choses qui sont mu'arab avec des harakat. Ta'arifuhu wa ma jumi'a bi alif wa tain, mazilatain ala mufradi. Ce qui a été rendu pluriel en rajoutant alif et un tain, on l'a pris auparavant. Hukmuhu yurfa'u bi dhamma, yunsabu wujaru bil kasra. Il est marfou' par la dhamma, il est mansoub, il est majour par quoi la kasra. Donc là, il sort de la base, lui. La base dans le nas, c'est quoi? Fatha. Lui sort de la base, il est mansoub avec la kasra. Misaluhu mu'minatun wa zaynabatun wa sawmawatun. Tous les jam mu'anath salim. Misal jam mu'anath salim al-marfou'. Celui qui est marfou', l'exemple. Qulullahu ta'ala idha ja'akal mu'minatu. La mu'minatu, il est fa'il. Marfou'. Wa ramatu raf'ihi. Mada? الضمة نعم سجم مؤنث ثالث مثال المنصوب قل الله تعالى إذا نكحتم المؤمنات قال الشهيد سي مؤمنات دونك لا تبي تقول اخوا لا سجم مؤنث ثالث مفعول به منصوب ورمة نصبه الكسرة الظاهرة مثال جمع مؤنث المجرور سوري كان qui est majrour, qui est entré sur le harf jar. Qul Allahu ta'ala وقل للمؤمنات. فالمؤمنات اسم مجرور. لماذا مجرور؟ بلم، لم تعلل لي. وربة جره الكسراء الظاهرة. Il n'y a pas d'ishkel. Je dis là, il y a un nouveau. D'accord ? Ma fiche est jadid. Wa nukmil bimaza bi al-fi'l mudhari'. Al-fi'l mudhari'. Qala yu'rabu al-fi'l mudhari' bil harakat idha lam yattasil bi akhiri shay'un. Donc le fi'l mudhari' son i'rab c'est que les harakat si rien que s'attache à la fin. C'est-à-dire qu'il n'est pas parmi les affaires les khamsa et qu'il n'y a pas de nun et niswa qui s'attachait, ni de nun tawkid. On le prendra par la suite, c'est quoi nun tawkid? قال فيرفع بالضمة إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم. Donc c'est quoi? Il est marfou par la dhamma tant qu'il n'entre pas en lui un nasib et un jazim. Là-bas, c'est qu'il est marfou, on a expliqué la dernière fois. L'exemple, يغفر الله لكم. Fais-moi lire l'abdou yaghfiru Allah. Yaghfiru. Yaghfiru, fakat. Non. Les dialogues, tu vas en faire. Les dînes à ta'ala. Vas-y. Maudari, le marfou. Pourquoi le marfou? Là, c'est pas une réponse, ça. Litajarrudihi. عن ماذا؟ عن ناصب وجازم. نعم. أيوة. وعلامات؟ وعلامات رفعي الضمة الظاهرة. أيوة. بس فقط. هذا هو في رفع. ينصب بالفتحة إذا دخل عليه ناصب. Quand ناصب أجي dessus, il va être منصب. C'est quoi le signe du ناصب؟ La فتحة. نحوك الله تعالى لن يغفر الله لهم. أعرب يغفر. فما اللي أعرب يغفر؟ فعل. نعم. مضارع. نعم. مفعول به. لا. مفعول به صح. مفعول به سيكون الأسماء. منصوب. منصوب. لماذا؟ pourquoi il est منصوب؟ بلن. بلن. نعم. بلن. علامة رفعي. علامته. نصبيه الفتحة. نعم. ويجزم بالسكون إذا دخل علي جازم نحوك لله تعالى وإن تغفر لهم. دوك اللي مجزم يكلي السكون لسكن جازم يرون دسو حرف جازم كم نولو بيحسن كما اللي يعلم دو تغفر لا تبقى بسال لا encore parce qu'il y a un tafsil avec in c'est un harf qui fait يجزم في علي on va le prendre plus tard. Tout simplement, les majum bi'in. Alamatu jazmi et sukun. Il y a d'autres choses à rajouter, mais on le dira plus tard quand on aura appris le jawazim, inshallah. Qala wa kharaja an dhalika al-mudhari' al-mu'tal al-akhir al-majzum. Tu fais exception à cela, le fi'l mudhari' al-mu'tal al-akhir. C'est celui qui, à la fin, a un alif, ou un waw, ou un ya. Quand c'est le majzum, yujzamu bihas harf illa. C'est quoi son alamatu jazm? Le retrait de la lettre. Le harf. On enlève soit le alif, soit le waw, soit le ya, ça dépend du harf qu'il y a. Nahu, lam yasa, wa lam yad'u, wa lam yamshi. On les a pris hier. Wa kharaja an dhalika, al mudhari'u, idha ittasala bihi, alif al-ithnain, aw al-jawa wa al-jama'a, Aouyel Mukhataba. Là, il veut dire par là également qu'est-ce qui fait exception à la règle de la sukun? Les afa'il et khamsa. Fayu'arabu bil huruf. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لي في نظر لباب لسكي معرب بالحروف. Car lui, c'est quoi? Comment les majzoum? On enlève le nun. Et là, normalement, pour moi, je vois que le mot al-akhir, il aurait dû mettre dans les hurufs aussi. Car on enlève le harf. C'est un harf qu'on enlève, c'est pas un haraka. J'ai toujours vu ça, mais Allah a'lam. J'ai pas vu quelqu'un qui le livre ou quelqu'un qui dit comme moi. C'est ce qui m'apparaît en tout cas. وخرج عن ذلك المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون الإناث. فإنه يبنى كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب الأفعال. Donc si à la fin il y a un توكيد ou un نون الإناث qu'on va prendre plus tard, il est bienvenu à ce moment-là. Il est plus مغرب. Il est bienvenu. Donc ça on le prendra dans le باب الأفعال إن شاء الله. Donc là on a pris quoi aujourd'hui? Les مغربات بالحركات. Ce sont les quatre choses. اسم مفرد جم تكسير جم مناث الثالم الفعل المضارع كي صحيح الاخير وكي ني با parmi les affaires comme ça d'accord et là-bas c'est que c'est marfou par la dhamma marfou par la fatha majrour par la kasra et majrour par la sukun il y a des choses qui font exception à la règle جم مناث الثالم fait exception à la règle il est marfou par la kasra. Le ism mamnoum al-sarf, il fait exception à la règle, il est majrour par la fatha. Et eux, ils ont mis fiad mudari' majzoum, celui qui est mu'tal al-akhir, qui est un harf illa à la fin, il est majzoum par asf, on coupe le harf illa qui est à la fin. C'est le khurasa du vers aujourd'hui. Et demain, on prendra al-mu'raba bil-huruf, ce qui est mu'raba al-huruf et non pas par les harakat. Et après cela, avant d'entrer dans les dans le fi'l, je pense que c'est le fi'l, je t'interroge sur le mu'rabat. Est-ce qu'on fera après le fi'l ou avant le fi'l? On le fera avant les fi'l, c'est mieux. Parce que le fi'l a pris un temps, c'est qu'il y a un temps. نفهم هذا فإلى هنا والحمد لله.